d'Ouimana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici le journal, la grande édition de cette mi-journée du 20 novembre 2020. Les grands titres. Le gouvernement du Burundi annonce la fermeture au 31 décembre de cette année du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, considérant que sa présence n'est plus pertinente aujourd'hui. Et certains employés de l'Office national des télécommunications expliquent les ennuis financiers de cette entreprise par des conventions violées par leurs partenaires. On fera le point dans ce journal. Et plus de 180 ménages de la colline Rubira en commune Manda dans la province de Ouanza sont sans abri, leurs maisons ayant été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette localité depuis bientôt 2 semaines. Et en actualité africaine, Ouganda, le bilan des violences monte à 28 depuis mercredi selon la police. Des violences déclenchées par une nouvelle arrestation du principal candidat de l'opposition à la présidentielle ougandaise de janvier 2021, le populaire chanteur Bobi Wine. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi sera fermé formellement et liquidé à partir du 31 décembre 2020. Et cela est contenu dans la note verbale du gouvernement envoyée au secrétaire général de l'organisation Antonio Guterres. C'était mardi. Dans cette même note, le gouvernement précise qu'une présence des Nations Unies à caractère politique n'est plus pertinente. Ornella Mocho. Depuis la fin de la mission de l'envoyé spécial du secrétaire général Michel Cafando le 29 novembre 2019, le bureau opérait sans aucune convention avec le Burundi et sans envoyé titulaire. Selon la note verbale du gouvernement burundais, Michel Cafando a préféré ne pas renouveler son mandat. Et lors des consultations informelles entre les deux parties au terme du mandat de l'envoyé spécial Michel Cafando, il avait été convenu que son bureau fermerait à la fin du processus électoral de 2020. Le gouvernement, à travers cette note verbale, estime qu'une présence des Nations Unies à caractère politique n'est plus pertinente et n'apporte aucune valeur ajoutée dans la vie quotidienne des citoyens burundais suite au terme d'un processus électoral qui s'est soldé avec réussite par une transition politique historique, pacifique et exemplaire en Afrique. Dans cette même note verbale, le gouvernement du Burundi trouve plutôt qu'une présence des Nations Unies à caractère socio-économique à travers l'équipe pays pour accompagner le Burundi dans ses efforts de développement socio-économique est nécessaire. Pour ce, le bureau de l'envoyé spécial au Burundi, qui a vu le jour au Burundi en 2016, sera fermé et liquidé le 31 décembre de cette année. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération Burundi remercie toutefois l'Organisation des Nations Unies pour ses appuis multidimensionnels de consolidation de la paix et de développement du pays. Ornella Mucho, et cette note du gouvernement burundais vient comme en réponse au dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Burundi, où la principale proposition d'Antonio Guterres était de demander au gouvernement de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 la présence du bureau de son envoyé spécial au Burundi. Et certains employés de l'Office national des télécommunications affirment que la chute du chiffre d'affaires de cette entreprise est consécutive aux différentes conventions de collaboration signées entre l'ONATEL et d'autres opérateurs dans la téléphonie mobile, ainsi que les fournisseurs d'accès à Internet. Ils l'ont dit lors des échanges de ce jeudi dans une rencontre du Premier ministre Alain-Guillaume Wignoni avec les représentants des employés de cette entreprise. Le Premier ministre a recommandé de revoir encore ces conventions et d'annuler celles qui n'ont pas d'importance. Jean-Marie Mayonga a suivi cette réunion. Au cours de cette réunion, ceux qui ont pris la parole et sont revenus sur la question de contrats signés entre l'ONATEL et d'autres sociétés. Ce sont ces techniciens qui travaillent dans les lignes. Ce sont eux qui négocient et présentent des faux contrats, surtout le service marketing. Comment ça se fait que tu puisses avoir des recettes d'1 million et que tu puisses dépenser 2 millions? Est-ce que ça c'est du commerce ou c'est de l'offre gratuite? Sur cette question, ministre Marie Chantal Nijimbele a répondu que dans tout cela, il y avait la complicité des techniciens. Toutes les décisions prises dans toutes les sociétés publiques émanent de techniciens d'ici même. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a la complicité des techniciens et des fois, il y a des faux rapports qui viennent là même. dernière. Celui-ci a voulu savoir comment BBS et Onatel vont travailler alors qu'ils croyaient que BBS devrait être leur fournisseur de l'Internet comme ils le croyaient. L'actionnaire BBS, nous croyons qu'il deviendrait notre grossiste, notre fournisseur pour que nous puissions vendre. Le régulateur RCT l'avait promis, mais nous n'avons pas jusqu'à maintenant de suite. C'est un problème urgent à présenter au gouvernement afin de trouver des solutions et montrer le rôle de l'Onatel et BBS dans la distribution de l'Internet. La ministre a répondu que si l'Onatel reste lent dans ses activités, il va perdre le client. S'il sort, il est question de changer la façon de travailler. La question entre deux vendeurs dont tous veulent gagner, je pense que ça nous concerne tous de voir ce qui devrait être fait, mais du moment où l'Onatel est toujours lent dans ses activités, ceux qui sont rapides vont récupérer tous les clients car le client cherche tout ce qui lui facilite. Sur toutes ces inquiétudes, le Premier ministre Alain Guillaume Wunyoni a exhorté aux agents de l'Onatel de revérifier les contrats signés avec d'autres sociétés et de les résilier. Nous vous exhortons de résilier dans les meilleurs délais les contrats inutiles. Allez vérifier dans vos contrats. Je sais qu'il y a ceux qui n'ont plus de valeur. Peut-être qu'il y a des contrats signés hors loi. Allez vérifier s'il n'y a pas de tels contrats qui ne font que chuter l'entreprise. L'Office national des télécommunications a débuté ses activités en 1979 et compte aujourd'hui 468 employés. Jean-Marie Chimayonga et plus de 180 ménages de la colline Rouvira en commune Manda dans la province de Bouanza sont sans abri, leurs maisons ayant été détruites par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette localité depuis bientôt deux semaines. Ces pluies ont également endommagé des routes, des champs et des écoles. Les autorités administratives disent qu'elles sont en train de chercher des bienfaitures qui pourraient aider les victimes. Space Caritas Kawanyana. Certains habitants de la colline Rubira en commune Manda ont pu récupérer les pièces de tôle et ont recouvert leur maison, tandis que beaucoup d'autres restent hébergés chez les voisins dont les maisons sont en dur, selon l'administration locale. L'administrateur de la commune Manda explique qu'on est en train de chercher des bienfaiteurs qui pourraient venir en aide à ces victimes d'intempéries en leur octroyant du matériel de construction. Nadine Nimitanga, administrateur de la commune Manda, ajoute que trois personnes qui ont été blessées sous les décombres de leur maison sont en train d'être soignées et c'est plus de 180 maisons qui ont été détruites par les pluies sur la colline Rubira il y a à peu près deux semaines. Aussi, un bureau collinaire et une église ont été endommagés selon les témoins sur place à Rubira. En commune Rugazi, ce sont les routes qui ont été endommagées suite à ces pluies. C'est par exemple la route joignant Muzinda et le chef-lieu de la commune. Elle était en train d'être réhabilité ce jeudi lors des travaux d'intérêt communautaire. En commune Bubanza, les élèves de la première langue au lycée communal Kalinzi suivent les cours à ciel ouvert. Leur salle de classe a été détruite par la pluie. Le directeur communal de l'enseignement précise que deux salles de classe de l'école fondamentale de Kirehe ont été également endommagées. Les élèves ont été déplacés provisoirement dans une église proche. Space Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio. Merci Space. Toujours dans les nouvelles des provinces, les instances de justice ont interpellé à mettre en application les procès clôturés pour ne pas susciter une haine conduisant à la vengeance à caractère violent, parfois suite à la corruption de certains magistrats. Cette recommandation a été formulée ce jeudi dans une réunion de sécurité à laquelle participaient les parlementaires et sénateurs élus en province de Kirundo, l'administration et les corps de défense et de sécurité. Abraham Safari pour les détails. Apparemment, on m'a fait signe que Abraham Safari n'est pas en ligne et rendons-nous maintenant à Gitega. Et c'est pour retrouver notre correspondant permanent fidèle d'Antoine Nsabimana. Les habitants du village de Kiwogoye en zone Gihamagara de la commune Itawa en province Gitega demande une revue à la baisse du prix d'un bidon d'eau propre pour mieux se protéger contre le coronavirus. C'est au moment où un bidon de 20 litres coûte 40 francs bouts, un prix jugé exorbitant par cette population dominée par les Batois. Cette population fait recours à l'eau des marais, faute de moyens, pour se procurer l'eau du robinet. Et l'administrateur de la commune, Itaba, dit qu'il est en contact avec la régie des eaux pour revoir à la baisse le prix du bidon d'eau. Et à la place du savon, cette population autochtone utilise du cendre pour faire la propreté corporelle, arguant que le savon est cher. C'est un reportage de Fidèle d'Antoine Sabiman. Selon des habitants du village de Kibogoye qui plaident pour la revue à la baisse du prix d'un bidon d'eau du robinet construit dans ce site, un bidon de 20 litres d'eau s'achète à 40 francs bout, un prix que cette population juge non abordable. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent chaque fois pour payer? Tu vois, nous puisons l'eau là-bas, en bas de cette église, Kugitega. C'est là où on trouve l'eau gratuitement dans la vallée. Est-ce qu'ils peuvent construire là-bas un robinet sans nous le donner gratuitement? Nous ne pouvons pas avoir de l'argent. Nous sommes pauvres. À cette difficulté de s'approvisionner en eau potable s'ajoute le manque du savon incontournable dans la lutte contre la COVID-19. Cette population a pris l'option d'utiliser le cendre pour substituer le savon qu'elle juge cher. Oui, le cendre enlève les saletés. Tu peux prendre le cendre et te laver, puis manger en étant bien. Si le cendre est bien tamisé, elle est plus efficace pour l'hygiène corporelle, comme le confirme cette dame. Nous avons trouvé que ça aide et ça tient beaucoup. On met l'eau après avoir vu que ça t'a bien tenu et constaté que les mains sont bonnes. Cette population, essentiellement dominée par les Batois, demande à l'État de revoir à la baisse le prix du savon comme avant et à l'administration communale de diminuer le coût du bidon d'eau au robinet du village. Au début, on l'achetait à 150 francs, mais actuellement, ça devient de plus en plus cher. Nous demandons qu'on revoie à la baisse le savon. Tu vois que nous sommes pauvres. Un bidon à 40 francs. Essayez de plaider pour nous en disant que les Banyakarama sont dans de mauvaises conditions. Oui. Domitien Nyandoui, l'administrateur de la commune Itaba, affirme qu'il a déjà amorcé des concertations avec la régie des eaux pour voir comment rabaisser le prix du bidon d'eau et afin de faciliter la lutte contre la COVID-19. C'était Fidèle d'Antoine Sabimana de Gitega. On revient sur Abraham Safari depuis Kirundo pour nous parler de cette recommandation formulée ce jeudi dans une réunion de sécurité par les parlementaires et sénateurs, les administratifs, les corps de défense et de sécurité. Ils interpellent les instances de justice à mettre en application les procès déjà finalisés pour ne pas susciter de la haine conduisant la vengeance à caractère violent, parfois suite à la corruption de certains magistrats. La question qui a été longuement discutée est celle des procès non exécutés par certains agents de justice qui sont des fois corrompus, surtout dans les tribunaux de résidence. Or, a signalé le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Atungimana, cela engendre des vengeances, la haine pouvant susciter des tueries et il leur a demandé de se corriger le plus tôt. D'autres questions étaient en rapport avec les vols dans les ménages où des animaux, surtout le petit bétail, sont volés et d'autres biens se trouvant à l'intérieur. Ce qui est très inquiétant, du moins selon les administratifs à la base, ce sont des vols à main armée où des tueries peuvent même se faire. Ici, ils ont donné l'exemple d'un commerçant de la commune de Guitobé récemment tué après l'avoir cambriolé une somme se comptant en termes de millions. Les administratifs ont été interpellés de bien travailler en synergie avec les forces de l'ordre pour se donner des informations à temps. Les mêmes chefs de colline ont demandé les moyens de déplacement compte tenu de leurs engagements ainsi que la majoration de leurs primes car il a été constaté qu'ils n'obtiennent pas les mêmes primes qui varient de 15 000 à 27 000 francs selon l'organisation de chaque commune. Ici, le gouverneur de la province a lancé la question aux administrateurs communaux qu'ils vont faire ce qui est possible en collaboration avec les conseils communaux. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Et la tension préélectorale monte d'un cran en Ouganda. 28 morts déjà et plusieurs blessés. C'est le terrible bilan de deux journées d'affrontement à Kampala entre les forces de sécurité ougandaises et les partisans du leader de l'opposition, Bobi Wine. Plus de 300 personnes auraient déjà été arrêtées depuis le début des violences qui ont suivi l'arrestation musclée mercredi de Bobi Wine, coupable selon la police d'avoir organisé un rassemblement illégal et contraire au règlement de la lutte contre le coronavirus. La star de la chanson de 38 ans, devenue députée, mène campagne en vue de la prochaine présidentielle de janvier 2021. Il est vu comme le principal adversaire du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Et l'Union européenne pourrait donner son feu vert à partir de la mi-décembre pour commercialiser les vaccins anti-Covid développés par la start-up américaine Moderna et par l'alliance Pfizer-BioNTech si les procédures se passent sans problème, a annoncé jeudi 19 novembre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue d'un sommet des 27 en visioconférence dédiée à la pandémie. L'Agence européenne des médicaments, EMA, est en discussion quotidienne avec son homologue américaine, la FDA, pour synchroniser leurs évaluations. Il est 13h13 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Le gouvernement du Burundi annonce la fermeture et la liquidation au 31 décembre de cette année du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, considérant que sa présence n'est plus pertinente aujourd'hui. Et certains employés de l'Office national de télécommunications expliquent les ennuis financiers de cette entreprise par des conventions violées par leurs partenaires. Et plus de 180 ménages de la colline Rubira en commune Manda dans la province de Bubanza sont sans abri, leurs ménages ayant été détruits par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette localité depuis bientôt deux semaines. Et vous venez de le suivre, en Ouganda, le bilan des violences monte à 28 morts depuis mercredi. Selon la police, des violences déclenchées par une nouvelle arrestation du principal candidat de l'opposition à la présidentielle ougandaise de janvier 2021, le populaire chanteur Bobi Wine. C'est la fin de ce journal qui a été mis en onde par Eli Kadogo. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.